Ok, injection verbale, Vincenzo, étoile filante, aïe. Écoute ça, quand je regarde autour de moi, je vois que les anges des jeux, des gens déçus, qui cherchent à faire le mal et puis qui changent des yeux. À notre insu, ils nous manœuvrent, il faut qu'on se tire d'ici, car dès qu'ils le peuvent, ils œuvrent contre le peuple pour qu'ils se tirent dessus. Réussir au dépend d'un frère, je sais pas quoi dire de ça, à part que certains vendraient leur père, leur mère pour devenir une resta. Contente-toi de ce que t'as ou va chercher la suite, il faut que tu te battes sur le tas parce que, petite étoile, seul et lâche prennent la fuite. Fais gaffe pas de devenir esclave sous le poids des tentations, n'oublie pas que pour monter plus vite au ciel, y'a pas d'incantation. Donc c'est ta propre voix, peu importe où elle mène. Et si un jour tu pries pour ceux qui sont en bas, tu dois te rester le même. Combien franchissent encore, t'ouvrais les portes du succès, mais finissaient soufflés, expulsés au bord du gouffre. C'est ce qui arrive parfois quand on rêve d'une vie trop brillante et d'astres scintillants, on passe à simple étoile filante. Les anges déchus qui veulent s'élever vers le ciel, perdent leurs ailes et redescendent, c'est cruel. Les gens qui veulent régner auprès de l'éternel redeviennent juste simplement tels. Même si ton orgueil est trop grand, des trois se révèlent, peu d'entre elles éclaireront nos ruelles. Les eaux descendront, leur lumière sera brève. Elles s'éteindront sous l'ombre du soleil. Mais que s'est-il passé? C'est la question que tu te poses. Tu veux rouvrir les portes du passé, mais celles-ci restent closes. Tu comprends pas qu'à ta carrière t'avais mené à vivre auprès des étoiles. Mais face au succès qui opère, nos vraies natures se dévoilent. Et toi ça t'a changé, pourri jusqu'à la moelle. En ce jour de jugement dernier, c'est tous tes potes qui contre toi témoignent. Et face à Dieu tu ne peux mentir, t'as que tes deux mains qui joignent. Tu joues les repentir, mais c'est trop tard, ton auréole s'éloigne. Car dans cette audition, tu payes le prix de ton ambition. Nombreux sont les chemins tentants que t'as pris jusqu'à ta perte. T'as écrasé les autres profitant de leur déchéance. Tu voudrais te rattraper, mais il n'y aura pas de prochaine séance. Non, c'est la fin de l'histoire, à toi la longue descente. Tu vas subir le poids de tes actes pour pouvoir assumer leurs conséquences. Dans cet enfer, il ne te restera plus qu'une option, celle de tout faire pour enfin retrouver le chemin de la rédemption. Les anges déchus qui veulent s'élever vers le ciel, perdent leurs ailes et redescendent, c'est cruel. Les gens qui veulent régner auprès de l'éternel redeviennent juste simplement tels. Même si ton nom est trop plein des trois se révèlent, peu d'entre elles éclaireront nos ruelles. Les eaux descendront, leur lueur sera brève. Elles éteindront sous l'ombre du soleil. Issu d'une jungle de béton, peu à peu les blocs sont partis. Adolescents, on rêve de gloire, mais les cauchemars les ont fait partir. Simple parcours d'un enfant de la lune brillant, filant puis qui disparaît comme une étoile filante. Enfant des blocs, on vient de ces fameuses cités d'or, où nos pères ont quitté le port et les filets de la vie nous écorchent. Destiné à faire le mal ou le bien, peu importe, alors qu'on ignore que la sortie nous dirige vers la même porte. Pressé de vivre et finir seul à la fin. Non, prenons le temps puisqu'il faut vivre car les stars sont incandescentes. Maintiens le cap poteau, maintiens le rythme car les étoiles filantes sont rares et peu ont la chance d'avoir du mérite. On est tous déterminés à faire le bien sur cette terre, minés par nous-mêmes et ça on finit par l'oublier. Une injection verbale pour qui le pouvoir est une soif, car c'est pas la chute qui fait mal mais l'atterrissage qui déçoit. Les anges déchus qui veulent s'élever vers le ciel, perdent leurs ailes et redescendent, c'est cruel. Les gens qui veulent régner auprès de l'éternel redeviennent juste simplement tels. Même si ton orgueil trop plein d'étoiles se révèle, peu d'entre elles éclaireront nos ruelles. Les eaux descendront, leur lueur sera brève. Elles s'éteindront sous l'ombre du soleil. Yeah! Sous l'ombre du soleil, les anges déchus perdront leurs ailes. C'est cruel. Injection verbale, Vincenzo, étoile filante, elles s'éteindront sous l'ombre du soleil.